إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الله عز وجل شرع العبادات لحكم عظيمة ومصالح عديدة، أجلها تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى والخضوع له فيما أمر ونهى، ومنها تزكية النفس وترويضها على الفضائل. ثم اعلموا أن الحج في حياة المسلمين مدرسة عظيمة العطاء، واسعة الأثر، بليغة العبر. الحج ملتقى كبير يفد إليه الحجاج من أنحاء المعمورة إلى الأرض المقدسة، ألوان مختلفة، وأجناس متعددة، وألسن متباينة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ويحكي القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويستجيب الله دعاء خليله، وتمضي الأفئدة تهوي إلى هذا المكان لتعمره، ملبين مكبرين، خاضعين متذللين، جموع لا تعد ولا تحصى تطوف وتسعى، ويستمر الطواف لا ينقطع مهما بلغ حر النهار أو برد الليل، ويبقى البيت العتيق مفتوحا ليلا ونهارا. وفي الحج يشهد الحاج مهبط الوحي، ويترسم خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى التاريخ أمامه. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les différentes sortes d'adoration pour différentes sagesses. Et il y a dans les adorations qu'Allah azawajal nous a légiféré de nombreux bénéfices. Le plus grand de ces bénéfices est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses ordres et ses interdits. Et parmi les bénéfices qui découlent de ces adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à ses serviteurs, le fait qu'à travers ces adorations, les serviteurs purifient leur âme et habituent leur personne à accomplir de bonnes œuvres. Puis sachez que le pèlerinage est une grande école dans la vie du musulman. Le musulman qui accomplit le pèlerinage en ressort avec de nombreuses morales. Le pèlerinage est un point de rencontre immense et gigantesque. Les pèlerins viennent des quatre coins de la planète pour se rencontrer tous dans les lieux saints de l'islam. Les couleurs de ces pèlerins sont différentes, leurs nationalités sont diverses et ils parlent tous des langues différentes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudusi, comme cela est rapporté dans le hadith Qudusi, dans lequel Allah azza wa jalla dit le jour de Arafat: regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi ébouriffés et pleins de poussière. Le Coran nous cite l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jalla dit, selon le sens, au Seigneur, en parlant d'Ibrahim, lorsqu'il a invoqué Allah azza wa jalla en disant: ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penche vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les des fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Allah Azza wa Jalla a effectivement exaucé l'invocation de son ami intime Ibrahim alayhi salam, et les gens n'ont cessé depuis d'accourir et de se diriger vers cet endroit béni pour le remplir. Ils s'y dirigent et se rendent dans ces lieux en proclamant la talbiya, en proclamant la grandeur d'Allah, en se soumettant à la puissance d'Allah et en se rabaissant devant l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des foules de personnes qui ne peuvent être dénombrées accomplissent ce tawaf et le sa'i. Et le tawaf ne s'interrompt jamais, quelle que soit la grande chaleur que peut atteindre la journée et quelles que soient les températures fraîches qui peuvent être atteintes durant la nuit. Et la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala reste ouverte jour et nuit. Celui qui accomplit le pèlerinage se rend dans la terre sur laquelle la révélation est descendue. Celui qui se rend au pèlerinage suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se rend au pèlerinage voit l'histoire de ses propres yeux. Ala al-muslim at-tawbatu an-nasuh wa tajdiduha 'inda ad-dukhul fi hadhihi al-manasik yu'ahidu rabbahu 'azza wa jalla 'ala 'ibadatihi yuti'uhu wa la ya'sihi yu'addi as-salawat wa yatruku as-sayyi'at yabta'idu 'an al-muharramat فالحج ملاذ كل المسلمين العابدون يزدادون قربا من مولاهم والعصاة في هذه الأجواء الإيمانية يقرون بذنوبهم ويتلمسون عفو الله ومغفرته ورحمته ورضوانه قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي سياق آيات الحج يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. العمل كل العمل في هذه الدنيا يراد به وجه الله، فمن شروط قبول الأعمال تحقيق الإخلاص لله، أي أن تقصد أيها الحاج بعملك وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة، أن تبتغي برحلتك المباركة وجه الله تعالى للفوز بنعيم الجنة. إن كل حركة ومشهد ونفقة تؤديها في رحلة الحج تقربك إلى الله وتزيد من حسناتك. قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الإخلاص قائلا كما في حديث أنس رضي الله عنه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكم للنية الخالصة في الحج من أثر عظيم في زكاة النفس وفلاحها. فتأمل هذا الفضل العظيم في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صفات هذا الحج، أي هذا الحج المبرور، أن يكون خالصا لله. والإخلاص ليس بالأمر الهين. قيل لأحد السلف: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص. Sachez que le musulman qui se rend pour accomplir son pèlerinage se doit de faire un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre l'engagement vis-à-vis de son Seigneur de l'adorer, de lui obéir et de ne pas lui désobéir. Le pèlerinage est un bienfait pour tous les musulmans. Ceux qui adorent leur Seigneur, cela les rapprochera de lui subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui désobéissent à Allah azza wa jal, dans ces moments de grande foi, ces personnes qui désobéissaient à Allah Azzawajal admettront leurs péchés et espéreront la clémence, la miséricorde et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azzawajal, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Et dans les versets du Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et accomplissez le pèlerinage et la umra pour Allah. Les actes, tous les actes dans cette vie d'ici-bas, les adorations, tu dois les accomplir pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'un acte pieux soit accepté d'Allah azza wa jal, il faut qu'il soit accompli en toute sincérité. Et concernant le pèlerinage, tu te dois, ô toi qui te rends au pèlerinage, de vouloir par ton pèlerinage la face d'Allah. Tu ne veux pour cela ni remerciement, tu ne veux pour cela ni entretenir ta réputation ou autre chose semblable, mais tu veux, par ce voyage béni, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir son immense récompense. Et sache que chaque mouvement, chaque adoration que tu feras, chaque dépense que tu feras dans ce voyage béni, eh bien tout ceci te rapprochera d'Allah azza wa jal et augmentera ton compteur de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des pèlerins et des mu'tamirin, il dit alayhi salatu wa salam, les pèlerins et ceux qui accomplissent la umrah sont ceux qui voyagent pour se rapprocher d'Allah. Lorsqu'ils l'invoquent, il exauce leur adoration, et lorsqu'ils lui demandent le pardon, il leur pardonne. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal la sincérité dans ses actes, et notamment durant le pèlerinage, comme cela est rapporté dans le hadith de Anas radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ô Allah, un pèlerinage sans ostentation ni recherche de réputation. Et la sincérité dans le pèlerinage apporte une purification particulière à l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Et ce pèlerinage pieux, al-mabrour, parmi ses caractéristiques, est que c'est un pèlerinage qui est accompli en toute sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sincérité dans les actes n'est pas une chose simple et aisée. Il a été dit à un des salafs, quelle est la chose qui est la plus difficile pour l'âme? Il a répondu, c'est la sincérité. Wa fi siyaqi ayati al-hajj ayda يقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير ما يتزود به الحجاج في الحج التقوى التقوى غاية الأمر وجماع الخير هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وتعظيم أعمال الحج ومناسك الحج من تقوى القلوب يكون ذلك بإجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها وفي سياق آيات الحج يقول تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إن هذا النداء يبرز عالمية الإسلام فهو يدعو الأنام كلهم إلى الإسلام ليحررهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الإسلام إذن دين عالمي فقد جمع بين أبي بكر العربي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وغيرهم من شتى القبائل والبلدان وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وكونوا عباد الله إخوانا وفي سياق آيات الحج يقول تعالى ليشهدوا منافع لهم في الحج منافع دينية ودنيوية فهو أعظم فرصة لتحل مشكلات المسلمين وجمع كلمتهم ولم شملهم وهذه الوحدة هي سر قوة الأمة وسعادتها قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من الفرقة فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وتواعد سبحانه وتعالى دعاة الفرقة بالعذاب فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولقد أدرك أعداء الإسلام أثر وحدة المسلمين في القوة والمنعة فعملوا على إنقاذ نار العداوة والبغضاء بين المسلمين في كل عصر وحين، وهذه مأساة المسلمين الكبرى في واقعهم المعاصر. وفي الحج يتعلم المسلم الرفق بإخوانه المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما انصرفه من عرفة إلى المزدلفة كان يقول: السكينة السكينة، كما في حديث جابر عند صحيح الإمام مسلم. Toujours dans le contexte du Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et prenez les provisions, la meilleure des provisions est la piété. Ainsi, la meilleure des provisions que peut prendre avec lui le pèlerin est la piété. Et la piété réunit tout le bien, c'est le fait d'accomplir les bonnes actions et de délaisser les mauvaises. Allah Azza wa Jal dit selon le sens: celui qui immensifie les emblèmes d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. Ainsi, le fait de donner une immense importance au rite du pèlerinage, cela fait partie de la piété des cœurs. Et donner de l'immense importance au rite du pèlerinage, c'est-à-dire de les immensifier par son cœur, d'aimer ces rites et de les accomplir de la meilleure des façons. Dans le contexte du Hajj, Allah Azza wa Jal dit également: et fait aux gens une annonce pour le pèlerinage, ils viendront à toi à pied. Cet appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim de lancer nous prouve l'universalité de la religion musulmane, c'est-à-dire: appelle tous les gens à l'islam, appelle-les pour les libérer de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur. Amène-les pour les sortir de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Appelle-les pour les sortir de l'étroitesse de cette vie d'ici-bas vers la largesse de l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit: et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. L'islam est donc une religion internationale. C'est une religion qui a réuni entre Abu Bakr l'arabe, entre Souhaïb le romain, entre Bilal l'abyssin et entre Salman le perse et bien d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appartenaient à des tribus et des pays différents. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim: et soyez des serviteurs d'Allah, frères. Dans le contexte du pèlerinage également, Allah Azza wa Jal dit: pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Il y a donc dans le pèlerinage de nombreux avantages religieux et mondains. C'est l'une des meilleures occasions pour résoudre le problème des musulmans et pour réunir leurs paroles. Car l'unité des musulmans est le secret qui donne à cette communauté la force et la joie. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, et c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Et Allah azza wa jalla nous met en garde contre la division en disant: ne vous disputez pas, ne vous fléchirez et perdrez votre force. Et Allah azza wa jalla a menacé ceux qui appellent à la division des musulmans. Il dit azza wa jalla: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés après que les signes leur soient parvenus, à eux un châtiment douloureux. Et les ennemis de l'islam ont très bien compris les bénéfices qui découlent de l'unité des musulmans, que l'unité des musulmans revient à donner à cette communauté musulmane une force gigantesque. Ainsi, les ennemis de l'islam ont travaillé à allumer le feu de la haine et le feu de la discorde entre les musulmans, et ceci à chaque époque. Et malheureusement, cette division est présente à notre époque également. Le pèlerin, pendant le pèlerinage, apprend la gentillesse et la douceur avec ses frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il s'est rendu de Arafat al-Muzdalifah, la quiétude, la quiétude. أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفي سياق آيات الحج يقول سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إن هناك فريقين فريقا همه الدنيا يجمع حطامها بحرص وتعلق يذكرها حين يتوجه إلى الله بالدعاء فقد امتلأت نفسه بحبها وأحاطت به من كل جانب هؤلاء قد ينالون نصيبهم في الدنيا ولا نصيب لهم في الآخرة وفريقا أفسح مجالا وأوسع أفقا لأن همه الآخرة ورضوان الله تعالى يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة هؤلاء لهم نصيب فالله تبارك وتعالى سريع الحساب قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Et toujours dans le contexte du pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit son sens. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères. Et ici, Allah Azzawajal fait allusion à la pratique qui était faite avant l'arrivée de l'islam. Car avant l'arrivée de l'islam, les Arabes accomplissaient le pèlerinage selon la religion d'Ibrahim. Et lorsque ils accomplissaient le pèlerinage et qu'ils l'avaient terminé, eh bien, ils citaient et faisaient les éloges de leurs pères et de leurs ancêtres. Allah Azzawajal dit alors, et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seulement, ô Allah, accorde-nous le bien ici-bas, pour cela nulle part dans l'au-delà. Et il est des gens qui disent, ô Allah, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. Et protège-nous du châtiment du feu. Ainsi, les gens sont de deux sortes. Il y a ceux qui ont pour seul but et objectif cette vie d'ici-bas. Leur seul but est le but recherché est de réunir les biens mondains. Ainsi, cette vie d'ici-bas ne quitte pas son esprit même lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, car son cœur est plein d'amour envers celle-ci. Et cette vie d'ici-bas l'a entourée de toutes parts. À eux, ils auront effectivement leur part dans cette vie d'ici-bas, mais ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Et il y a l'autre catégorie des personnes, ceux qui ont élargi leur champ, car son but premier est l'au-delà. Son but premier est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il veut également sa part dans cette vie d'ici-bas. Il prend sa part dans cette vie d'ici-bas sans oublier sa part dans la vie de l'au-delà. À eux alors, Allah azawajal leur accordera leur part dans cette vie d'ici-bas et leur part dans l'au-delà. Il dit azawajal, et celui qui veut l'au-delà et accourt vers elle, alors et tout en étant croyant, alors leur accourement sera récompensé. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من الذين يحجون بيته الحرام. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من الذين يستفيدون من هذه الرحلة المباركة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعن إخواننا في كل مكان. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.